Vous écoutez CKRL 89.1, Valérie Leveille au microphone, et Futur Simple se poursuit avec Dominique Boudreau. Bonjour Dominique. Bonjour Valérie. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau au micro de Futur Simple. Effectivement, ça fait longtemps, je suis bien content d'être là. Ben oui, alors que je présente Dominique, en fait, j'ai vu ton titre maintenant, tu es conseiller. Conseiller à la vie étudiante. Conseiller à la vie étudiante, ouais, et puis culture scientifique au Centre de démonstration en sciences physiques. Donc, habituellement, nous recevons Mathieu Riopet du Centre de démonstration en sciences physiques. Et aujourd'hui, c'est toi, Dominique, et c'est un grand plaisir de te revoir au micro de Futur Simple. Et tu viens nous parler de ampères. Les ampères, moi, l'idée que j'en ai, c'est une unité en électricité, mais je ne connais pas la personne qui est... derrière ce nom ampère. Donc, tu viens nous mettre un peu de chair et d'os autour du nom ampère. Exactement, Valérie. J'allais commencer justement par te demander si tu avais un téléphone cellulaire. Oui, j'en ai un. Bon, est-ce que tu connais la capacité en charge de ta batterie en milliampères-heure? Non, je ne sais pas. Non, hein? Non. Bien, probablement que personne ne connaît cette donnée-là, mais tout le monde veut avoir un téléphone qui dure assez longtemps pour ne pas être obligé de le recharger pendant la journée. Donc, Ampère a donné effectivement son nom, on a donné son nom à une unité qui est l'ampère, qui est l'unité de charge électrique. Mais c'est un peu justement le fait qu'on ne connaisse pas trop les ampères. C'est un peu à l'image du personnage dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que à moins de travailler de près ou de loin dans l'électricité ou dans l'électronique, il y a fort à parier qu'il y a peu de gens qui connaissent André-Marie Ampère à proprement parler. On a des petits souvenirs de nos cours d'électricité, U égale RI, et puis les ampères quelque part là-dedans. Exactement. Mais je ne sais pas pourquoi on dirait que volt est plus connu. Probablement parce que quand on parle des lignes de haute tension, on parle du voltage, des lignes de haute tension, mais plus rarement on parle de l'ampérage. Vrai. En fait, de l'électricité. Pourtant, ça a été un personnage super important de l'histoire de l'électricité. Là, donc, il a donné son nom, évidemment, au courant, à l'unité du courant électrique. Puis aujourd'hui, ben, de plus en plus d'objets du quotidien fonctionnent à l'électricité, encore plus avec des batteries cellulaires, ordinateurs portables, montres connectées, outils tondeuses, souffleuses, même les voitures aujourd'hui, de plus en plus. C'est particulièrement important, en fait, ce qu'il a fait. Donc, commençons par le début, en fait. Ça a été un peu un génie. Il a travaillé pas juste sur l'électromagnétisme, mais dans plein de domaines. C'est un des derniers polymathes, des gens qu'on appelle des gens qui ont connu, en fait, ou qui étaient érudits sur plein de domaines. Et donc, je vous raconte un peu son histoire. Il est né en 1775 d'une famille de négociants d'étoffes de soie. Il va passer les 10 premières années de sa vie à Lyon avant que ses parents s'installent dans une banlieue, en fait, à Polémieux, une banlieue de Lyon, dans un domaine de 24 hectares. Hein, comme c'était des négociants, il était assez fortuné quand même. Donc, il y a 10 ans, la même chose que le règne du roi Louis XVI à l'époque, mais la grogne commence à se faire sentir dans la population à cette époque-là. On est quelques années avant la Révolution française, c'est pour vous rappeler un peu vos cours d'histoire. Et en fait, il est passé à travers beaucoup de choses, André-Marie Ampère, dans sa vie. Le pays est endetté, il y a une multitude d'unités pour mesurer les choses. Il n'y a pas d'unité. Les gens se font collecter des impôts entre régions dans la France, il y a des douanes un peu partout. Ça entrave le développement économique, puis les gens, c'est ça, alors que l'Angleterre est en plein boom industriel. Alors, pour situer historiquement André-Marie Ampère, il faut savoir qu'il a vécu dans une période assez agitée de la France. Il va vivre la Révolution française de 1789, il y a alors 15 ans. Il va vivre l'époque napoléonienne, le Premier Empire, jusqu'en 1814. Mm-hmm. Il va vivre la restauration de la monarchie en 1814, la seconde Révolution française de 1830, en plus de la crise du choléra de 1832. Il va voir passer 4 rois et un empereur, Napoléon Bonaparte. Quand même, c'est pas rien. Mais à travers tout ça, il a fait des avancées très importantes en chimie, en électricité. Il a même fait un classement des sciences assez général, plus de métaphysique. Il s'est intéressé à la religion assez profondément, la philosophie. Donc, c'est quelqu'un qui a ratissé très large. Chose intéressante, dans la maison familiale, l'ampère a accès à une bibliothèque très bien garnie. Hein. À l'époque, il lit l'histoire naturelle du comte de Buffon, qui a été écrit dans les années 1750, ainsi que l'encyclopédie Diderot, qui est un premier grand travail des encyclopédistes. Il faut dire que son père était fervent disciple de Jean-Jacques Rousseau, qui avait une philosophie un peu libertarienne, surtout au niveau de l'éducation. Il disait que les gens étaient bons d'emblée, et donc il fallait les laisser faire, puis que c'était le contact avec les autres, avec les gens, qui rendait les gens moins bons. Bon, fait que sur cette idée-là, Ampère a été un autodidacte. L'actualité scientifique dans ce temps-là est assez passionnante. En 1781, Herschel découvre Uranus. On découvre une nouvelle planète dans le système solaire. On découvre deux de ses satellites quelques années après. La même année, il y a un grand mathématicien, Joseph Lagrange, qui publie la mécanique analytique. Coulomb vient de publier sa loi, tous ses travaux sur l'électricité, la force électrique. On vient de mesurer la force électrique. Luigi Galvani fait des expériences sur l'électricité animale. Le bateau à vapeur sillonne la rivière à Lyon, là, qui s'appelle la Saône, en 1783. Puis les premières montgolfières s'envolent. Donc, c'est vraiment... Il se passe beaucoup de choses. Il se passe énormément de choses. Donc, ça percole chez Ampère. Et ce qui va déclencher un peu la révélation scientifique d'Ampère, c'est la lecture d'un livre de mathématiques qui est très précoce, très vite, il comprend les choses. Et il lit un livre de mathématiques de Léonard Euler, pas le moindre quand même, mais il le comprend pas, justement. Et il va dire à son père, là, je veux comprendre. Faut que tu m'amènes quelque part, faut que j'apprenne ces mathématiques-là. Et donc, à 14 ans, en fait, à peine un an après, à 14 ans, il va soumettre un mémoire de géométrie à l'Académie des sciences. Ah oui, quand même. À 14 ans. Ouais. Ouais. Et à l'Académie des sciences, on soumet des choses qui sont en général des avancées en sciences. C'est comme, voici ce qui n'a pas été répondu. Voici, moi, j'ai une réponse à vous donner par rapport à ça. Donc, il est très précoce. Malheureusement, l'année suivante, c'est la Révolution et son père, qui est juge à cette époque-là, va se faire guillotiner en 1793. Donc, ça le met un peu sur la glace pendant un certain temps, mais il va quand même rouler sa bosse. Il va revenir, il va se reprendre. Puis en 1802, en donnant des cours de mathématiques, il va se faire remarquer. Et il va monter tranquillement les échelons. Il va finir par donner des cours au lycée. Puis il va se faire remarquer, entre autres, par un autre mathématicien, Lalande, par un mémoire qu'il publie sur la mathématique du jeu. Donc, c'est assez large, en fait, c'est ces domaines qui l'intéressent. Mais là, il commence vraiment en mathématiques plutôt qu'en physique, alors, pour complètement. Le moment, dans ses débuts, c'est un mathématicien d'abord. Ouais. Il va surtout donner des cours de mathématiques, effectivement. Puis c'est comme ça qu'il va monter tranquillement. Et là, il est encore à Lyon, là, à ce moment-là? Oui, il est toujours à Lyon. En fait, il donne des cours à une petite ville. Parce que quand il est à l'Académie des sciences, là, il était pas... Là, c'est plus à Paris. Okay. Il est allé lire à Paris, effectivement. Oui, tout à fait. Mais là, il se déplaçait un peu avec ses parents, parce qu'à 14 ans, je ne suis pas sûr qu'il se déplaçait tout seul, de toute façon, à cette époque-là. Alors, comme je disais, il est assez autodidacte, mais c'est un personnage un peu particulier. En fait, peut-être même qu'on pourrait imaginer qu'André-Marie Ampère a inspiré l'image un peu caricaturale du scientifique, là, un peu fou, un peu déconnecté de la réalité, ouais, pourquoi? Tout ça. Mais il était très maladroit. Droit est plutôt distrait, en fait. On raconte dans ses cours que des fois, il s'essuyait le front avec la brosse de tableau, puis avec son mouchoir, il effaçait le tableau. Hein. Donc, il se mêlait un peu comme ça. Sa femme même s'inquiétait quand il travaillait au laboratoire parce que depuis tout jeune, il n'était pas très adroit, en fait. Mm-hmm. Donc, voilà, on raconte même qu'à un moment donné, il s'est émerveillé d'un caillou qu'il a vu sur le bord d'une rivière. Puis là, en voyant sa montre qui était en retard, au lieu de lancer le caillou dans la rivière puis partir à courir, c'est sa montre qui a lancé dans la rivière. Ah oui, effectivement. Donc, ouais, donc c'était un distrait un peu. Toujours est-il qu'il va finir par partir à Paris et enseigner à l'École Polytechnique, donc qui est une grande école, la plus grande école à cette époque-là, en 1804, en France. Et donc, il arrive à Paris, puis c'est très différent de ce qui est habitué. Là. Paris a 600 000 habitants, c'est une ville insalubre, malodorante. Mais donc, il va donner des cours. Encore une fois, les cours font un peu rire d'eux parce qu'il est assez distrait et tout. Mm-hmm. Il va finir par être nommé inspecteur des universités, puis dans ce cadre-là, il va donner des précieux conseils pour l'enseignement des sciences, entre autres de faire plus d'expériences. Bon, connaissant mon origine au centre de démonstration, ça me fait bien plaisir. Donc, je vous invite, auditeurs et auditrices, à faire des expériences. C'est toujours assez intéressant. Toujours est-il qu'il va s'intéresser à la chimie assez tôt, en 1808. Il lit les comptes rendus de Humphrey Davy, qui est plutôt un Anglais, qui a fait des choses en chimie où il a découvert le sodium et le potassium en utilisant la pile de Volta, qui a été développée quelques années plus tôt, là, dans les années 1800, qui est l'ancêtre de notre pile à nous, de nos batteries, en fait. Et on utilise des piles comme ça pour faire de l'électrolyse. Et en faisant de l'électrolyse, en fait, on est capable d'isoler des éléments qu'on est capable de découvrir, en fait. De cette façon-là, on sépare des solutions, puis on est capable d'isoler des éléments. Donc, Humphrey Davy découvre le sodium, le potassium. Mais ça, ça plaît pas aux Français. Il y a Napoléon à cette époque-là, donc Napoléon est en place. Et parce que, bon, les Anglais sont en train de prendre le devant de la scène au niveau... Il y a une rivalité. Exactement, au niveau scientifique. Et donc, en France, on se donne les moyens pour essayer de faire avancer les choses de ce côté-là. On trouve un moyen plus simple de faire du sodium. Mais on réussit pas à démontrer que... à trouver de nouveaux éléments. Mais là... Il y a Davy qui est un peu à contrario de la théorie de Lavoisier, qui est français, qui dit qu'il n'y a pas juste l'oxygène qui permet de faire des acides. Et là, Davy réussit à isoler un autre corps, un autre élément chimique qui permet de faire des acides qui n'est pas l'oxygène. Et ça fait vraiment peur aux Français. Il va l'appeler chlorine, qu'on nommera en français chlore, et c'est même Ampère qui va suggérer le mot chlore en français, parce qu'il y a aussi des atomes crochus pour la littérature et tout ce qui est la langue. Alors, Ampère va correspondre avec Davy à partir de 1810. Il va même suggérer, Ampère, à Davy, qu'il pense qu'il existe un troisième et un quatrième élément ou substance qui pourrait agir un peu comme l'oxygène et produire des acides. Alors, c'est Ampère qui va nommer le fluor à partir de l'acide fluorique. On lui donnerait raison par la suite, plus tard. Et il y a une petite anecdote intéressante où, à un moment donné, justement, Ampère dit « il y a un quatrième élément, mais je ne peux pas trop t'en parler, là, c'est secret, tout ça. » Puis finalement, quand Davy vient en France pour se faire remettre un prix qu'il avait gagné, Ampère lui montre un échantillon d'un cristal mauve qui se sublime, qui devient gazeux à la température de la pièce, en faisant une bévue un peu, parce que c'était supposé être secret. Finalement, son assistant va analyser tout ça, puis ils vont un peu damer le pion aux Français pour la découverte de l'iode, en fait, dans ce cas-ci. Ah ben oui. Donc voilà, ça fait partie un peu de sa maladresse. Là. C'était pas juste physique, sa maladresse. Il y avait une petite maladresse aussi de ce côté-là. Il voyait peut-être moins un peu les enjeux. Les conséquences. Voilà, exactement. Voilà, Ampère devient un contributeur important au concept d'acidité qui va être formulé en 1815. On voit qu'il a quand même participé à des avancées en chimie. Oui, dans plusieurs disciplines. Et là, en 1814, c'est la consécration. Avec ses travaux de chimie, il lit quelque chose à l'Académie des sciences, puis il est admis à l'Académie, consécration à 39 ans. Ampère est de nature assez tourmenté. Il va s'intéresser beaucoup à la religion, à la métaphysique, à la philosophie, parce que c'est pas quelqu'un d'heureux. Il a eu des déboires un peu amoureux. En fait, toute sa vie, ça va être un peu difficile de ce côté-là. Et donc, il va s'associer à des cercles philosophiques beaucoup. Il va même donner des cours à la Faculté de Paris en philosophie pendant un certain temps. Mais son côté physicien, justement, va plutôt ressortir quand il va commencer à suggérer, avec des travaux de Augustin Fresnel, entre autres, il va correspondre avec Augustin Fresnel, puis il va suggérer à Fresnel que la lumière, c'est peut-être pas une onde longitudinale comme le son. C'est pas une vibration dans le sens de la propagation. Il va suggérer à Fresnel que c'est peut-être une onde transversale, ce qu'on découvrira plusieurs années plus tard, en fait. Et donc, il a même fait des avancées de ce côté-là. Mais son vrai travail se passe au niveau de l'électromagnétisme et tout commence en juillet 1820 quand le Danois Hans Christian Ørsted publie un article qui détaille comment une aiguille aimantée est déviée de sa position par l'action d'une pile. Fait, quand la pile fait passer du courant, ça dévie l'aiguille de la boussole. Et ça, c'est en juillet 1820. En septembre 1820, les expériences d'Ørsted sont reproduites à la Cabinet des sciences, devant Ampère, entre autres. Puis là, ça l'impressionne complètement, tellement que les 7 prochains jours, il va essentiellement produire toute sa théorie électromagnétique. En 7 jours. Alors, il va refaire des expériences, il va en imaginer des nouvelles, il va écrire un mémoire, et 7 jours plus tard, le 18 septembre, il va lire devant l'Académie des sciences sa théorie électromagnétique. Et donc, il va ensuite accaparer le plancher. Il va lire semaine après semaine ses avancées sur l'électromagnétisme. Qui était reconnu quand même par les autres? Il a fait un apport extrêmement important à toutes sortes de... En fait, l'idée, c'est que dès sa première lecture, il introduit deux notions fondamentales. La tension électrique, qu'on appelle aujourd'hui les volts, et le courant électrique, qu'on appelle aujourd'hui les ampères, dont l'unité sont les ampères. Alors, la tension et le courant, c'était pas connu à l'époque. On avait une mesure pour mesurer l'électricité, c'était essentiellement la mesure, on appelait ça des électromètres, mais ça mesurait essentiellement la tension électrique. Le courant, d'une certaine manière, c'est Ampère qui l'a inventé, si on peut dire ça comme ça. la tension pour faire quelque chose, pour peut-être relier les auditeurs et auditrices, quand on prend un ballon, une balloune qu'on gonfle et qu'on frotte dans nos cheveux, le fait que les cheveux soient attirés par la balloune, ça, c'est, il y a une tension entre ma tête et la balloune. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de courant. Parce que c'est de l'électrostatique. Ouais, c'est statique. Ouais. Alors, en fait, Ampère va mettre en place ce qu'on appelle l'électrodynamique. C'est lui qui va vraiment mettre en place la première théorie qui nous permet d'expliquer comment les charges se déplacent, qu'est-ce qu'ils font quand les charges, qu'est-ce que ça fait quand les charges se déplacent. Alors, c'est une quantité de charge électrique qui se déplace. C'est ça la définition du courant électrique. Puis à l'époque, ben, il n'y a pas d'instrument pour mesurer ça. Mais puisque c'est qu'en plus, on ne connaît pas l'idée de l'électron non plus. Donc, on dit il y a une quantité de courant qui se déplace, mais qu'est-ce qui se déplace? On n'en sait rien à l'époque. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit que le courant va dans un sens, en fait, réellement, il va dans l'autre sens parce qu'on a imaginé que les porteurs de charge étaient positifs, alors qu'on sait aujourd'hui que les porteurs de charge, c'est les électrons qui ont une charge négative. Ouais. Mais c'est à cette époque-là, effectivement, qu'on va déterminer un sens du courant. C'est assez conventionnel plutôt à cette époque-là, effectivement, mais on n'a aucune idée que l'électron existe. Par contre, on a quand même des idées qu'il doit y avoir des porteurs de charge, puis le travail se fera par la suite. C'est qu'on ne les voit pas non plus. Donc, ça demande quand même une capacité d'abstraction pour imaginer ce genre de concept alors qu'on ne le voit pas. Exactement. Donc, pour mesurer le courant, Ampère va utiliser, déjà pour savoir qu'il y a du courant, Ampère va faire quelque chose d'assez intéressant. Il va utiliser de l'eau pure. Puis il va mettre une pile. Et quand il rajoute du sel, comme on l'a peut-être fait, comme certains d'entre vous l'avaient peut-être déjà fait à l'école, le courant se met à passer, il y a une ampoule qui allume, quelque chose comme ça. Mais là, lui, ce qu'il voit apparaître, c'est justement que l'électrolyse de l'eau se fait. Puisque quand le courant peut passer à l'intérieur de l'eau, il y a des petites bulles qui apparaissent, puis on est capable de séparer les éléments de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilisait à l'époque. Davy l'avait utilisé pour séparer, trouver les éléments du sodium et du potassium. Donc, il va imaginer un appareil de mesure pour l'intensité du courant et il va l'appeler le galvanomètre. C'est lui qui invente le mot galvanomètre. Il va utiliser pour ça l'aiguille d'une boussole ou une aiguille aimantée dans laquelle, proche duquel il va faire passer un fil avec un courant. Puis si l'aiguille bouge, à ce moment-là, ça détermine un courant. La force du courant est dépendante de la déviation de l'aiguille. Est-ce que l'appareil il le nomme lui-même galvanomètre? C'est lui qui le nomme en l'honneur de Luigi Galvani. Galvani. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Il y a une reconnaissance. Tout à fait. Il est assez humble, en fait, Ampère, dans toute cette histoire-là. Il va inventer beaucoup de mots. Justement, son idée, c'est pas son idée, mais son amour des langues, le fait inventer plusieurs mots, entre autres. Quand il comprend que Oersted avait déterminé que ce qui se passait autour du fil semblait être en boucle ou en spirale, Ampère va faire des spirales avec les fils. Puis il va se rendre compte en faisant ça qu'il est capable de reproduire un aimant. Il va appeler ça un solénoïde, qu'on utilise encore comme mot, en fait. On utilise, les électroaimants utilisent des solénoïdes, donc une boucle de fil conducteur. C'est lui qui a inventé ce mot-là. Effectivement. Il y a plusieurs mots qu'il a inventés qui nous restent aujourd'hui, qu'on a de lui, dont on ne se douterait pas nécessairement. Ah. Et là, son idée légendaire un peu, qui va être utilisée par la suite, là, même pour l'application du kilogramme, de l'unité du kilogramme dans le système international SI, c'est l'idée de dire que deux bobines de fil peuvent se repousser ou s'attirer comme des aimants si on fait passer du courant dedans. Alors, si on fait passer du courant dans le même sens ou dans le sens opposé, les effets vont être inverses. Mais donc, il montre, en fait, c'est sa théorie, que l'électricité est fondamentale et causale. Il n'existe pas de magnétisme à proprement parler. Le magnétisme ou les aimants même naturels, seraient dû à des mouvements de charge à l'intérieur de la matière. Mm-hmm. Et à ce moment-là, il est un peu précurseur, d'une certaine manière, quand les électrons bougent à l'intérieur. Par contre, c'est pas ça qui explique aujourd'hui les aimants, mais tout de même, il avait fait un bon bout de chemin de ce côté-là. Et évidemment, en imaginant des bobines comme ça qui peuvent affecter des aimants, il va même imaginer l'idée du télégraphe. Il va écrire dans un de ses mémoires, si on peut faire bouger avec de l'électricité, on pourrait imaginer que moi, je fais bouger quelque chose, puis ça fait varier le courant sur un fil électrique que je peux envoyer très, très loin, puis à l'autre bout, ça va bouger aussi de la même façon, donc on pourrait peut-être transférer des messages comme ça. Est-ce qu'il l'a essayé? Non, malheureusement, c'était juste une idée. Okay. Il l'a jamais mis en réalité, en application, ce télégraphe. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'ils inventent l'électrodynamique qui peuvent engendrer des phénomènes magnétiques. Évidemment, ça ne fait pas l'unanimité partout, même dans le cercle autour de lui, même si il est consacré, il est à l'Académie des sciences, École polytechnique, etc. Parce que ses idées n'utilisent pas Newton. Puis à ces moments-là, on utilisait beaucoup, on essayait d'utiliser Newton qui avait unifié le ciel et la terre par la mécanique céleste et la mécanique terrestre. On essayait d'utiliser les idées de Newton, les théories de Newton pour expliquer tous les autres phénomènes. Mais depuis quelques années, de toute façon, Augustin Fresnel, justement, avait montré que la lumière pouvait s'expliquer différemment que par les principes de Newton. Il y avait Fourier qui s'était intéressé à la chaleur puis qui avait fait la même chose donc, pour la chaleur. On n'avait pas besoin des théories de Newton. Puis là, Ampère était en train de faire la même chose pour l'électromagnétisme. Mm-hmm. Donc, ça ne faisait pas l'affaire de plusieurs personnes qui étaient plutôt newtoniens à l'Académie des sciences. Mais voilà, donc en 1821, c'est Michael Faraday, ou Michael Faraday, devrais-je dire, en Angleterre, qui va réussir à faire quelque chose que Ampère n'est pas assez proche, mais c'est Faraday qui va réussir à faire le premier dispositif, un peu comme un moteur, où là, il va vraiment valider l'induction électromagnétique, le fait de faire bouger des aimants à partir d'un courant, tout ça à distance, qui va mener éventuellement aujourd'hui à toute la production électrique quasi complète mondiale et basée sur ce principe-là des moteurs, des générateurs en fait, électriques. Mais on voit qu'Ampère a mis les bases quand même. Voilà, exactement. Ben, comme dans n'importe quoi en science, hein, on travaille puis on met des pierres à l'édifice. Ouais. Voilà. Maintenant, il va enseigner cet électromagnétisme. En 1827, il va publier un traité d'électromagnétisme qui le consacrera à vie. C'est toute sa théorie. Et il a fait beaucoup d'expériences. Il a inventé des appareils. Puis ce qui était intéressant à l'époque, c'est que la science, d'habitude, c'était assez dispendieux et tout. Mais là, l'électricité, c'était des fils, des piles. Presque tout le monde pouvait assez facilement avoir une petite trousse et refaire plein d'expériences que lui-même a imaginées. Il s'est associé avec des gens qui fabriquaient des appareils, des montages et tout ça. Et donc, ça s'est beaucoup démocratisé quand même. Voilà, donc, Tu voulais nous parler aussi de classification des sciences, c'est ça dont tu parlais aussi au début, donc on comprend tout son apport en chimie, en électromagnétisme, mais qu'est-ce que c'est que sa réflexion sur la classification des sciences? Alors, c'est une réflexion un peu plus, disons, métaphysique, on pourrait dire, mais il voulait, peut-être un peu inspiré justement de sa lecture de Buffon ou de l'Encyclopédie de Diderot, il a voulu classer chacune des sciences selon certaines catégories avec des fonctions et tout ça. Donc, il a travaillé pendant plusieurs années. En fait, dès 1806, il a commencé à faire son travail sur ça. Et il finira par donner des cours à propos de ça. Ce qui va lui permettre, en fait, aujourd'hui, on ne retient pas grand-chose de sa classification des sciences, mais cet exercice de classification des sciences lui a permis d'inventer des mots comme la cinématique, la dynamique, la traumatologie, la cybernétique. C'est des mots modernes, ça? Exactement. Alors, c'est tous des mots qui ont été inventés par Ampère, par son amour de la langue et par son désir et de vérité, de connaissance, d'organisation du monde et des savoirs. Ouais. Puis tu dis qu'il était amoureux de la langue, en fait, parce qu'il était aussi poète? Oui, exactement. Alors, contrairement à bien des gens qui ont peut-être composé des poèmes, Ampère avait une plume assez étonnante, somme toute. Malheureusement, peut-être que je peux finir par ça, mais il va décéder le 10 juin 1836. Là, et chose un peu drôle, c'est par télégraphe que Paris reçoit la nouvelle de sa mort. Mais le télégraphe de Chappe. Le télégraphe électrique ou électromagnétique n'existait pas à cette époque-là. Mm-hmm. Alors, le télégraphe de Chappe, c'était des formes, des grandes structures qu'on mettait avec certaines formes qui les gens voyaient ça au loin, puis là, ils remettaient la même forme, un peu comme les feux il y a très longtemps. Voilà. Alors, peut-être que je vous laisse sur une petite poésie d'Ampère. Ça s'appelle « Réflexion morale ou la vanité de la science ». Homme, pourquoi sonder l'abîme des volcans, des flots entrouverts? L'ignorance n'est pas un crime et qui veut trop savoir se perd. Rends heureux ceux qui t'environnent, fuis le mal, chéris les vertus. Les biens que tant de savoir donne valent-ils un jour de Titus? Pour moi, je verrai la science prête à cueillir comme une fleur, que je fuirai vers l'ignorance qu'accompagnerait le bonheur. Je veux prendre ce qui me charme et rendre grâce à l'Éternel de m'avoir donné une âme sensible à ses dons paternels. Irais-je me casser la tête à pénétrer tant de pourquoi, tel du savoir se croit au fait, qui souvent n'y fit qu'un pas. Effectivement, c'est quand même assez surprenant de terminer comme ça une chronique sur un homme scientifique, un personnage, un savant, de le terminer par un poème qu'il a écrit. Effectivement. C'est assez rafraîchissant dans certains sens. Tout à fait. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup, Dominique, de nous avoir présenté ce monsieur Ampère en chair et en os, lui qui ne fut pas seulement l'inventaire de l'unité Ampère, mais aussi qui a fait les avancées en chimie, en électromagnétisme, et qui fut même poète, et qui nous laissa tant de mots dans notre vocabulaire scientifique d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça m'a fait bien plaisir. Dominique. Au revoir. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie de Dominique Boudreau, conseiller à la vie étudiante, culture scientifique au Centre de démonstration en sciences physiques.